You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Fun Radio. Listen to dance floor. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room, and I can know that we ain't ever getting older. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est vendredi. Et ouais, ouais. Ça y est, la fin de la semaine. Encore quelques heures peut-être pour vous de l'autre côté de la radio. Et puis on se rend au week-end. Oh, samedi, grasse matinée, croissant, café, chocolat chaud. C'est ça le programme de ton week-end? Ouais. Bah dans l'équipe, Sandro, ton programme du week-end? Travail. On fait pas genre, hein, ça va, hein, c'est bon. Dans mon lit quoi, c'est tout. Oui bien sûr, c'est bien ce que je me disais aussi. Au standard, Alison et François, ça va? Ça va. Ouais, c'est quoi le programme de votre week-end là? Fête, fête et fête. Ouais bah ça tu m'étonnes. On sent la jeunesse de l'autre côté, hein. Ça va François? Super. Ouais François, super. Il a toujours pas compris qu'il fallait parler dans un micro. Alors regarde, attends, on va être indulgent. François il fait ses premiers pas à la radio, donc on va lui apprendre 2-3 trucs. Ceci est un micro. Bonjour, il faut parler micro. Dedans monsieur, vas-y essaye. Salut. Ah ça marche. Ah, oh, ah ouais, c'est génial. C'est vraiment bien à faire la technologie. Non, de mon temps on n'avait pas ça. Oh là là. Tu t'emballes, il faut pas faire ça. Aïe aïe aïe, on sent que c'est un liégeois, il est en train de se lâcher François, tout va bien. J'espère que vous de l'autre côté de la radio, ça se passe aussi. On aura du cadeau pour vous dans l'émission dans un instant avec le dernier overboard que j'ai. Et ouais, il est là, il est dans le bureau. On attend que vous pour le choper. Et puis le vendredi, vous le savez, c'est le jour du restaurant. Si vous avez pas envie de cuisiner ce soir, et bah restez bien à l'écoute de l'émission. On vous explique comment faire juste après les infos. Fun Radio. Fun. Maintenant chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur icixl.be. Je fais des gros bisous à Stéphane de Hologne-aux-Pierres. Je ne sais pas du tout où c'est, mais ça a l'air bien sympa. Stéphane qui est déjà à l'écoute de la Happy Hour et nous envoyait un petit message au 3044. Vous pouvez faire pareil, hein, on prend un peu des nouvelles là. Et puis en attendant, on s'informe avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Grosse journée de protestation aujourd'hui en Belgique. C'est clair que pas mal de gens ont de bonnes raisons de ne pas être contents, à commencer par le personnel d'ING qui s'est pris un gros coup de massue sur la tête ce lundi. D'où l'action devant le siège central de la banque avenue Marnix à Bruxelles. Les syndicats en front commun et les travailleurs ont ainsi mené leur première action de grande ampleur depuis qu'ils ont appris la suppression de 3158 emplois dans les 5 ans qui viennent. Et puis les actions de grève sont menées en front commun toujours à l'occasion du deuxième anniversaire d'un gouvernement que certains qualifieront d'antisocial. Mais là, ce sont surtout les patrons qui sont visés, les patrons accusés d'avoir oublié ce que voulaient dire les mots concertation sociale. Plusieurs secteurs sont touchés comme les sociétés de gardiennage, la métallurgie, les grandes surfaces, les services publics et notamment les transports en commun. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ça roule partout mais avec des perturbations plus ou moins importantes. Donc le mieux, si vous voulez prendre le bus ou le train dans les heures qui viennent, c'est d'aller sur les sites internet des techs de la STIB ou de la SNCB pour savoir ce qu'il en est exactement. La livre britannique, la livre sterling donc, a subi un crash éclair ce matin au début des échanges en Asie avant de se redresser. Certains évoquent des problèmes techniques ou même une erreur humaine. Mais le président français François Hollande y est peut-être aussi un tout petit peu pour quelque chose. Hollande qui a plaidé hier soir la fermeté face à Londres dans les futures négociations sur le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce qui se dessine, c'est un divorce sans compromis sur le plan économique. On sait que les Britanniques auraient aimé, tout en quittant l'Union, conserver certains avantages liés à l'Europe, comme par exemple l'accès au libre marché. Ce serait un petit peu facile, évidemment, et surtout, ça donnerait de mauvaises idées à d'autres pays. Pas plus heureux fait que ça, donc pour François Hollande, c'est « no way », comme on dit en Angleterre. L'ouragan Matthew, qui vient de sévir dans les Caraïbes, a commencé à en faire autant sur la côte sud-est des États-Unis. C'est le plus puissant ouragan touchant cette zone depuis des dizaines d'années, selon le Centre américain de surveillance des ouragans. Alors les climato-sceptiques diront sans doute que ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, mais le fait que Matthew ait provoqué la mort de quelques 300 personnes à Haïti est de manière certaine lié aux activités humaines, parce que si le pays est très vulnérable aux intempéries, c'est quand même beaucoup à cause de la déforestation. Les vents et les pluies ont inondé des milliers de maisons, endommagé des écoles, détruit d'importantes surfaces agricoles, des entreprises, des routes, des ponts. Bref, un véritable chaos dans un pays qui semble décidément maudit. Aux USA, où Matthew a donc commencé à sévir, plus de 2 millions de personnes ont été évacuées en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud. Et le président Obama a déclenché un plan d'aide fédérale d'urgence. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. C'est cool de vous retrouver là ce vendredi à l'antenne de Fun Radio. Je vois vos petits messages qui arrivent au 3044. Je fais des bisous à Cédric qui est là, Isa de Framerie aussi. Et puis dans un instant, restez bien connectés sur Fun Radio parce qu'on va vous dire comment faire si vous voulez aller bouffer au resto. Ah oui, ne pas cuisiner, ne rien faire ce soir. Il y a qu'ici dans la Power que ça se passe. On vous explique tout ça juste après la météo, Carlo. Oui, bah un petit peu comme hier aujourd'hui. Hein, entre bof, quoi. 11 et 15 degrés, beaucoup de nuages, mais un temps qui en principe devrait rester sec. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Alex Jermis. Salut. Fun Radio. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Feel so far. dreams I fell so far. Hey, I know I took it upon myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. La suite du son dance floor, c'est avec les deux beaux gosses de service que ça se passe. DJ Snake et Justin Bieber que je vous cale pour la suite du son dance floor. C'est Let Me Love You qui arrive. Il y aura aussi du Mr. Probs. Mais d'abord, c'est l'heure de la bouffe. L'Happy Hour les a découverts en mangeant des tacos dans un restaurant mexicain. Ce sont les Papi Churros, les rois du guacamole. L'Happy Hour t'invite au resto. Bah ouais, c'est l'heure du restaurant là maintenant dans la Piawar, vous le savez, tous les vendredis, c'est le concept du truc. On n'a pas envie de se prendre la tête la fin de la semaine. Quand t'as bossé déjà du lundi au vendredi, le vendredi soir t'as pas envie de cuisiner. C'est on sacré, est d'accord, non? Tu rentres chez toi, tu mets tes savates et tu termines ton soir. C'est ça qu'on a dit. Faut pas déconner non plus. Du coup, on s'est dit un truc. Tous les vendredis, c'est un rituel dans l'émission. On vous envoie au restaurant. Et si vous entendez la petite musique derrière, ça donne un indice de ce que vous allez manger ce soir. La pasta. Ah, ma fille. On va dans un restaurant. Italien. Bon, non. Alors, on va où ce soir, Fab? À la Bonne Heure, ma petite dame. À la Bonne Heure. Le resto s'appelle La Bonne Heure. Ouais. Resto La Bonne Heure, à Charleroi, rue de l'Industrie. Il est situé dans le quartier des affaires. Tu sais, le projet Rive Gauche, le nouveau projet qui a vu lieu. Ouais. Donc, c'est tout nouveau, c'est tout moderne, c'est tout sympa. C'est comme le resto qui a été élu meilleur restaurant italien de Charleroi. C'est vrai? Et on vous envoie pas n'importe où. Non. On vous envoie dans le meilleur restaurant italien de Charleroi. Et ça le fait grave. Ça le fait quand même. Et on peut manger quoi dans le meilleur? Il y a plein de trucs. Spécialité pâte, évidemment. C'est orienté pâte italienne. Ouais. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, quelques exemples de plats que j'ai trouvés sur la carte qui, moi, m'ont fait de l'œil. Comme ça, ils m'ont dit mangez-moi. Il y a le gnocchi au poulet et crème de poivron. Oh là là. Oui, je sais. Le steak frites salade aussi. Tagliatelle à la saucisse fraîche, truffe et crème de parmesan. Je prendrais ça, moi. Ça, oui, je sais que t'aimes la saucisse. Et alors, tu as le risotto chou chinois et au scampi. Oh, ça doit être bon ça aussi quoi. Bon bah voilà les gars, je suis sûre que là vous êtes tous en train de baver, en train d'écouter l'émission. Et bah si ça vous dit d'aller ce soir au restaurant du côté de Charleroi à la Bonne Heure, et ben balancez-moi la pire excuse que vous avez donnée quand vous êtes arrivé en retard. Comprenez, le restaurant il s'appelle La Bonne Heure, hein, on fait des jeux de mots. Jeu de mots ici. Non mais si vous êtes déjà arrivé en retard, ça vous est déjà arrivé probablement, vous avez dû donner une excuse. C'était quoi la pire que vous avez donnée? Le truc limite c'est pas très crédible quoi. 30-44 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. On vous prend à l'antenne et peut-être que ce sera vous qui irez au resto. Là c'est DJ Snake et Justin Bieber. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Dance Floor. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around. I'm slowly drifting. Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. C'est avec de Parakeet que ça se passe ce vendredi sur Fun Radio avec Save Me. Il y aura aussi le nouveau Black M. Et je l'ai pas encore entendu celui-là. Bah non, il est tout nouveau. Oula, c'est la première fois qu'on va vous le passer. Ça arrive dans moins de 10 minutes sur Fun, c'est promis. Avant ça, je vous ai demandé de me balancer là par SMS au 3044 la pire excuse que vous avez pu lâcher en étant en retard. Ça nous arrivait à peu près à tous hein, d'être en retard. Là. Surtout Sandro en fait. Sandro, il est ouais. Toujours en retard le mec. Ça, c'est, Mais moi, je vous dis la vérité, c'est ça le problème. Donc j'ai pas vraiment d'excuses. L'autre fois, je suis arrivé en retard à cause des embouteillages. Mais j'ai pas envie de mentir parce que ça ne sert à rien au final. Garde-le, comment il essaye de faire croire que c'est quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'honnête, moi je suis quelqu'un de bien, je mens pas, mais alors, mytho. C'est tellement pas crédible. Il y a juste un jour où je suis arrivé en retard, effectivement, cet été, et j'ai dit que à cause du gel, ma voiture n'a pas pu démarrer. Mais ça va, personne n'a pas relevé. Attends, donc. Mais oui, mais c'est vrai, je me souviens de ça. Attends, un jour, il a dit. Donc il était arrivé en retard, mais vraiment méga en retard. Hein. Et il a dit non, mais il y avait tellement de neige devant mon garage, j'ai pas pu sortir la bagnole. On est le 22 juillet, mec. On n'est pas au Canada, hein, tu vois, on est en Belgique, alors il neige de temps en temps, mais alors de là à avoir 20 cm de neige, quand même, faut pas déconner. Je te jure, il y avait beaucoup de neige ouais, dans mon c'est garage. Ça. C'est bien ce que je dis, t'es un gros mytho. On a Manon qui est là, qui vient de Wallin. Encore une... Bonjour. Tu dois avoir certainement l'accent aussi, Manon. Ah, à mon avis, oui, on me le dit souvent, j'ai le bon accent. Ah, c'est bien ça. Moi, j'aime bien, moi, ça me fait rire, j'adore. Et Wallin, c'est où? C'est près de Liège aussi? J'espère. Non, Wallin, c'est pas du tout près de Liège, c'est vraiment le centre. C'est le centre de la Belgique. Je suis pas à côté de Liège. Mais, et alors, attends, pour ceux qui alors, sont le centre comme moi, de la Belgique. Je trouve déjà pas le centre des femmes, alors le centre de la Belgique. Voilà. C'est près de quoi? Mais alors, j'ai Jean Blou, près de moi, j'ai Louvain-la-Neuve. Ah, c'est ça, bah oui, donc il n'y a pas vraiment d'accent là-bas, ah non, ça va, c'est neutre quoi. Toi, t'es adopté. Voilà. Bon, Manon, voilà, est-ce que t'as déjà ça. Utilisé une excuse, mais genre pas très crédible quoi, pour justifier ton retard? Ben, je suis arrivée en retard au cours un matin et vu que j'avais pas d'excuses entre guillemets, j'ai dit à mon prof qu'il y a un tank qui avait écrasé mon réveil pendant la nuit. Un tank Mais t'as pas osé faire ça? Ah si si. Ah d'accord. Il m'a regardé, il m'a dit tu me prends pour un con. Je dis non, je vous jure. Et donc j'ai un peu eu 2 heures de colle. Attends, tu mets l'insecte ou la machine? Non, non, le tank. Le tank militaire, quoi, tu vois. Genre, il y a un tank militaire qui est venu écraser son réveil. Il est rentré dans la chambre, il a touché rien d'autre, monsieur. Ouais, c'est ça. Je vous jure, je l'ai pas entendu, il a pris que le réveil. Je sais pas pourquoi. Oh mon dieu, énorme ça, franchement. Manon, t'es un peu notre championne aujourd'hui, hein, franchement. Eh, fallait oser. Voilà. Mais quand même, 2 heures de colle derrière, donc. C'est bien fait, t'es un mauvais menteur. Voilà. Et franchement, le truc, souvent, c'est à l'école qu'on a utilisé des excuses de merde, un peu comme ça, non? Franchement, à l'école, bah oui, jamais vous avez donné des excuses. Ah, moi, je dois confesser un truc. Ah, j'avais un prof d'histoire à l'époque. Et franchement, c'était marrant, c'était un prof d'histoire légèrement raciste. Et donc, je lui ai raconté que je m'étais fait agresser par des gens basanés à l'arrêt du bus et que j'étais arrivé une heure en retard à l'examen à cause de ça. Et j'avais même pris mon compas. Tu sais, au bout, il y a une petite pointe en métal. Malade. Et je m'étais griffé la joue jusqu'à ce que ça saigne. Et j'avais déchiré mon t-shirt. Oh là et je suis rentré en classe et je faisais semblant de pleurer. Tu sais, Mais non, je suis en retard d'une heure, mais j'espère que je pourrai quand même faire l'examen. Je me suis fait agresser. Et il m'a regardé, il m'a dit t'es bronzé? Ben oui, monsieur. Et j'ai pu faire l'examen. Ça avait été des blancs, mais je l'aurais mais fait. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Ah oui, c'est dégueulasse. Oh non, je ça sais, se fait pas sais. Ce que t'as fait, Fab. Et j'ai eu mon examen. Bah, tu sors d'ici. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça se fait pas ce que t'as fait. T'as pas eu de punition à l'époque? Et t'en as une maintenant. Oh, allez hop, tu sors. Non, bah alors ça, franchement, c'est déconné. Manon, t'es d'accord avec moi? On le met dehors là. Oui, là, tout à fait, je suis d'accord, on peut le mettre dehors. Voilà, allez hop, Bayton, mon gars. Allez, tu te casses, merci bien. Mais pour ça, moi, je trouve que c'est mérité de mentir, enfin, pas mérité de la façon dont il ment, mais tu vois, quand tu mens parce que tu n'as pas le choix, c'est un examen, c'est important. Mais non, tu peux pas faire ça. Enfin, en même temps, c'est drôle, après, ça donne des moments un petit peu rigolos. Manon, on t'a présélectionné, peut-être que ce sera toi qui iras ce soir au restaurant La Bonne Heure à Charleroi, d'accord? Ça va. Tu restes bien à l'écoute de l'émission, si on te rappelle, c'est un numéro privé, tu décroches, ça veut dire que c'est toi qui part au resto, d'accord? C'est super, ça va. Bisous Manon. Est-ce que vous, de l'autre côté de la radio, vous avez aussi parfois utilisé des excuses un peu bancales, hein, comme on dit, 3044 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi, on vous prend à l'antenne après de Parakeet sur Fun Radio Save Me. Et puis restez bien là, on va le découvrir en même temps que vous, tiens, c'est le nouveau Black M que je vous cale juste après. Welcome tout le monde. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Et faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même si vous n'aimez pas sortir du lit pour aller éteindre la lumière. Oh, chérie, tu veux bien éteindre la lumière? Oh ben non, c'est ton tour. Oh, mais j'ai déjà fait hier. Non, c'était moi hier. Ok. Contrôler la lumière à distance, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box avec 2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. C'est encore moi, Hip, prêt à découvrir des promotions phénoménales? Alors les offres de génie de votre hypermarché Carrefour sont faites pour vous! Jusqu'à demain, à l'achat de 2 pots de Nutella de 825 grammes, bam! Le troisième est gratuit! On n'a jamais vu ça! Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Allô? Bonjour monsieur, j'appelle du futur pour vous remercier de trier vos berlingots. Ah, de rien monsieur. C'est parce que vous triez aujourd'hui qu'on a pu inventer des trucs incroyables avec les berlingots recyclés en 2130. 2130? Et quoi, vous avez déjà rencontré un alien? Oui, et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Non, et quoi, elles sont sympas? Oh, vous savez les belles mœurs, c'est toujours les mêmes. Allez, merci, au revoir. Oh, vous êtes mariés monsieur? Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Tant mieux, ça m'arrange. Ma petite blague. Alors, comment appelle-t-on un cheval sourd? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Ah oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 500 000 euros à gagner. Ah, et là, si vous gagnez le jackpot, ben j'arrête, je l'ai promis. Merci Lotto. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Fun. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Dance Floor. Baby, I like your style.

Tu te moques pas de l'état. D'accord, ça va. Bon. Par contre, pour ceux qui sont dans leur voiture, alors, si tu es sur la N5 à Charleroi en direction de Genappe, le trafic est perturbé, tu roules à une vitesse moyenne de 10 km/h, au moins tu te feras pas flasher. C'est pas très rapide, mais c'est pas grave, ça, Charleroi, les gens foutent rien, ils ont le temps d'attendre. Dans le ring intérieur de Bruxelles, entre le tunnel Léopold et Isère, le trafic est à l'arrêt. C'est vendredi, on part plutôt du bureau, on va faire un tour à la rue d'Arschot avant de rentrer à la maison. Bande de salopards. N61 Eupen direction vers Liège, bouchon sur 8 km. Et faites attention, hein, parce que les bouchons de Liège, c'est les plus solides. Et j'ai pas fini. Sur le A602, chaîne direction Lonsin, un véhicule en feu qui bloque toute la bande de droite. Vous inquiétez pas, Jacobus a regardé la météo et va bientôt pleuvoir, ça va être vitré. Une solution à la con, quoi, n'importe quoi. Avant de se faire le son de Martin Garrix, là, comme promis sur Fun, je vous rappelle qu'on a du cadeau aujourd'hui pour vous. C'est le dernier que j'ai en plus, hein, l'overboard. La planche à roulettes 2.0, comme diraient les vieux. Mais excuse, il roule à quelle vitesse ton overboard? Eh ben, tu sais quoi, je sais même pas jusqu'à quelle vitesse ça peut aller, moi, ce truc-là. Ça va vite quand même, hein. Ah oui, oui, clairement. Et t'as des gens qui. Ah, je vais pouvoir flasher alors. Enfin, genre une trentaine de kilomètres heure, je crois, un truc du genre. Enfin, bon, bref, et de toute façon, tout le monde le veut, l'overboard. Tu m'étonnes, c'est le nouveau truc à la mode, les Starlons, Justin Bieber, tout ça. Alors, évidemment, si on l'a pas, ça ne va pas du tout. Donc, comment on fait pour le choper? C'est simple, il faut envoyer un petit message, vous vous inscrivez en envoyant les trois lettres FUN, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Avant 18h, on fera le tirage au sort, c'est promis. Côté son dance floor, Martin Garrix, comme promis, et puis il y aura aussi Jason Derulo, bougez pas. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon, ouais. Et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, les fromages ne sentent pas mauvais. Ils ont du caractère. Sentez-moi ça. Quel caractère. Et puis quand on boit dans la publicité, on fait... Oui, parce que les boissons sont beaucoup plus désaltérantes. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let first, do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all love. testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. La suite du son Dance Floor, c'est avec Jason Derulo que ça se passe maintenant sur Fun Radio. Kiss the Sky. Il y aura aussi du Dimitri Vegas et Like Mike. Mais d'abord, on accueille Lorenzo qui vient de Bruxelles. Salut Lorenzo. Salut, ça va? Ouais, super, et toi? Ça va bien, tranquille. Bon, et Lorenzo, ça te dirait toi d'aller faire un petit resto ce soir? Bon, pourquoi pas? Bah, tu m'étonnes. Bah ouais, on rappelle vite où on vous emmène là ce soir, Fab. Ce soir, on t'envoie à la bonne heure à Charleroi. C'est un restaurant qui est situé rue de l'Industrie, dans le quartier des affaires. C'est le meilleur restaurant italien de Charleroi. Rien que ça, quoi. Les meilleurs pasta de Charleroi. Alors, j'ai regardé un petit peu sur la page Facebook La Bonne Heure. Ouais. Eh bien, il y a des photos de ce que tu peux manger. Oh, il y a des trucs qui me font envie. Énorme. Mais de dingue. Oh là là. En plus, c'est d'autant plus cool quand tu termines la semaine et que t'as pas envie de cuisiner le soir. Lorenzo, ce serait juste le top. En échange, moi, je vous ai demandé de me dire c'est quoi la pire excuse que vous avez balancée en arrivant en retard, quoi. Vraiment, le truc limite, tu dis c'est pas très crédible ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, ça va passer. Lorenzo, c'est quoi la pire excuse? Ben moi, j'avais pas trop d'idées quand le patron est venu me demander pourquoi j'étais en retard. Et la première chose que j'ai vue, c'était une voiture de police plus loin. Et je lui ai dit que j'étais en retard à cause d'un contrôle de police. Et il a quand même cru, donc. ça c'est crédible bien. Encore. Ah non, mais faut oser mettre la police dans le coup, t'imagines? Ils m'ont pris pour un trafiquant de drogue. Et, voilà, j'ai fait 2 heures au cachot et. Non, franchement, moi à ta place, j'aurais pas osé faire ça. T'imagines, il appelle après où il appelle le combi, où il dit bande d'enfants. Bah non, mais tu pas prouvé. Pas prouvé après. Ouais, ouais. Mais on sait jamais quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par SMS? Moi j'ai dit à mon éducateur que mon train avait crevé une roue et c'est passé. Une roue. Oh, ouais, non, mais en même temps, pour être éducateur, faut pas être fut-fut. Bah, du coup, ça va aller, les clichés, non, mais oh. On me dit, moi j'ai balancé que mon père venait de. Ah non, ça c'est pas bien de faire ça. Je viens de voir le message. Il y en a un qui a osé dire que son papa venait de décéder. Au bled, et du coup qui devait aller là-bas pour l'enterrement. Non, ça c'est pas bien. C'est non, c'est pas bien d'utiliser. Alors, moi j'avais des potes qui utilisaient toujours leur grand-mère. Genre, toutes les semaines ils avaient leur grand-mère qui venait de décéder, quoi. Ouais, c'est valable qu'une fois. Ah non, deux fois. Parce et que ça, deux tu l'utilises souvent pour avoir des jours de congé. Tu vois? Mais c'est pas bien. Parce que t'es pas bien fait. C'est vraiment pas cool. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Moi, je me suis coincé un Choco Pops dans le nez. C'était l'excuse. Ah oui. D'accord. Bah, c'est clair que ça t'empêche d'arriver à l'heure. Ça, c'est sûr. Lorenzo, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Si on te rappelle dans quelques minutes ton numéro privé, tu décroches. Hein, ça veut dire que c'est toi qui va passer une petite soirée tranquille au resto. D'accord? Ça va, pas de soucis. Gros bisous, mon Lorenzo. Ah. Si vous aussi, de l'autre côté de la radio, ça vous dirait bien une petite soirée tranquillou là, au meilleur restaurant italien de Charleroi, les gars. Je sais pas si vous imaginez, mais si vous êtes fan de pâtes, vous allez kiffer grave. Hein. En échange, on demande pas grand chose en plus, juste un petit message au 3044. Vous nous racontez votre life, une excuse que vous avez déjà balancée une fois, ce soit pour arriver en retard à l'école, au boulot, n'importe quoi. 3044, c'est le numéro pour nous envoyer votre petit message. On vous lit juste après l'excellent son de Jason Derulo, maintenant sur Fun. I say, Fun Radio. On est avec vous jusqu'à 20h avec le son de Dimitri Vegas et Like Mike qui arrive dans un instant. Il y aura aussi Pitbull avec Florida. Alors, je vous ai demandé de vous inscrire là pour essayer de repartir avec votre hoverboard. Il fallait envoyer Fun, F-U-N, par SMS au 6322. On fait sonner maintenant chez quelqu'un qui s'est inscrit. Si ça décroche, à lui, l'hoverboard. L'objet tant désiré. Oh là là. La petite planche à roulettes, j'adore quand tu dis ça comme ça parce que ça décrédibilise à mort. Alors que c'est juste le top, un hoverboard. Sérieusement, bah après ça coûte un peu cher. Du coup, on a décidé de vous faire plaisir ici sur Fun Radio. Moi, c'est que gratuit. Je vois des gens tous les matins aller sur les trottoirs en hoverboard, aller au boulot ou aller prendre le train, bah, ça ou le, fait, le tram ou le bus, tu vois. Bah, ouais. C'est vrai que c'est classe. Mais quand tu vois pas qu'ils ont ça au pied, t'as l'impression c'est que chelou, le mec hein. il marche hyper bizarre, il ouais, flotte ouais, et il ouais, vole, tu vois. C'est très très bizarre. C'est une blague. C'est une blague. Non. En fait, sincèrement, hier, en plus c'est vrai, si vous étiez pas à l'écoute de l'émission, je vous jure, c'est pas une vanne. Hier, pendant toute l'émission, j'ai essayé d'appeler des auditeurs qui s'étaient inscrits. Personne n'a décroché. Je sais pas si vous imaginez. On a fait des tentatives, au moins 5. On nous aime plus, c'est tout. Bah, je pense que plus personne n'écoute cette émission. Vous êtes tous partis. Non, les gens, ils voient numéro masqué, ils répondent pas. Moi, je réponds jamais ouais, non plus. Alors, c'est ça, c'est ça, vrai. Les copains, quand vous jouez à un jeu là sur Fun, on vous rappelle ces numéros privés. Donc, décrochez. C'est pas le fisc. Ouais, c'est pas le fisc ou c'est pas votre ex. C'est nous, c'est Fun Radio. Donc, décrochez, s'il vous plaît, les copains. Bah, du coup, comme ça n'a pas décroché cette fois-ci, on relance le jeu. Vous envoyez Fun, F-U-N, les trois lettres par SMS au 6322 pour 1€ le message. On fera encore un tirage au sort. J'espère que cette fois, bah, ça va décrocher. Dimitri Vegas, c'est Like Mike, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Et puis bougez pas, juste après, on se fait un petit pitbull là, sur Fun. European. Oh. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dance. Dans l'Eurodance 25. Sur Fun Radio. Numéro 1. Chaque dimanche, de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuits à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. C'est encore moi, Hip, prêt à découvrir des promotions phénoménales? Alors les offres de génie de votre hypermarché Carrefour sont faites pour vous! Jusqu'à demain, à l'achat de 2 pots de Nutella de 825 grammes, bam! Le troisième est gratuit! On n'a jamais vu ça! Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Une course de fou à gagner, avec pas moins de 100 secondes de shopping gratuit, c'est totalement dément. En plus, chaque client a une chance de gagner. Participation et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance. Le son dance floor. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayahre, ayahre, ayahre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Party, party, party. The all of them sexy, sexy,

sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi là ce vendredi. C'est le son de Pitbull avec Floraida que je vous cale pour la suite. Ah ouais, il y a Lunch Money aussi. Franchement, c'est le son où ils sont un max dessus, hein. C'est un truc de fou. Ça arrive juste après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Allez, c'est la dernière ligne droite avant d'être en week-end, les copains. J'espère pour vous, en tout cas, que bah ça y est, vous avez bientôt fini le boulot. Pour les autres qui bossent ce soir, bon courage quand même. Mais on va vous dire dans l'horoscope comment va se passer votre week-end. Ah, attention, j'écoute. Concentration ultime, les béliers. Regardez par la fenêtre, vous voyez le temps ? Pourri, votre week-end il sera pareil. Les taureaux. Votre week-end aurait pu être magnifique, c'est sans compter sur cette rage de dents qui va commencer demain matin, pendant que votre dentiste, bah, lui sera en week-end. Et c'est toujours comme ça en plus, les gémeaux. Votre week-end sera pourri à cause d'une petite chose toute simple, hein. Ça rampe, ça crie, ça pue, on appelle ça un enfant. Oh, Fab. Cancer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ce week-end, vous allez être papa. La bonne nouvelle, c'est que si vous traînez pas, il y a un vol pour le Mexique en trois quarts d'heure. Les lions. Si vous êtes célibataire, vous risquez de faire des rencontres ce week-end. Des chouettes filles avec des prénoms exotiques. Chlamydia, syphilis et la toute mignonne petite vérole. Les vierges. La seule personne qui va passer un plus mauvais week-end que le vôtre, c'est la nouvelle petite amie de Bernard Westman. Balance. Si vous êtes dentiste et que vous voulez passer un bon week-end, débranchez votre téléphone, j'ai l'impression qu'un boulet va vous harceler tout le week-end. Les scorpions. À votre place, je commencerai pas ces cours de rock acrobatique. Ou alors réservez déjà une chambre à l'hôpital. Les sagittaires. Les chances pour que vous passiez un bon week-end sont aussi élevées que les chances de la Grèce de ne plus avoir de dettes. Les capricornes. Votre week-end va être top, vous allez découvrir les joies du club échangiste. Seule petite question, contre quoi votre copain va pouvoir vous échanger? Verseau. Saturne et Jupiter s'alignent pour que les astres... Non, je déconne, personne va s'aligner. Votre week-end va être merdique. Et enfin, on termine avec les poissons. Ce week-end, vous allez découvrir que votre estomac ne digère pas la cuisine indienne. Vous allez découvrir aussi que vous auriez dû acheter plus de papier toilette. Allez, on va se faire le son de Pitbull. Pitbull, voilà. Pitbull avec Floraida. Et puis juste après les infos, on va savoir qui de Manon ou alors de Lorenzo va aller au restaurant ce soir. C'est ce qui arrive juste après l'actu maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Il est 18h sur Fun Radio, l'heure de s'informer maintenant avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Salut à tous. De nombreux travailleurs d'ING, mais aussi de sa filiale Record Bank et d'AXA, se sont réunis ce matin devant le siège social de la banque néerlandaise à Bruxelles pour dire qu'ils refusaient le plan de restructuration qui prévoit plus de 3000 pertes d'emplois d'ici 5 ans. Alors je ne sais pas si ce refus est susceptible de faire faire machine arrière à la direction. Disons que ce serait quand même très surprenant, hein. Toujours est-il que les syndicats sont plutôt remontés et ne veulent pas entendre parler de ce plan qu'ils jugent inacceptable. Inacceptable parce qu'ING se porte très bien et veut juste permettre à ses actionnaires de se remplir un peu plus les poches. Là, c'est ce qu'explique le secrétaire général du CETCA, mais le gouvernement fédéral n'est pas épargné, accusé qu'il est par les syndicats de ne réagir qu'après coup. Au lieu d'agir avant que le pire se produise, il faut des accords solides pour l'emploi, a déclaré un responsable de la CGSLB. Je vous rappelle enfin que des mouvements de grève ont eu lieu aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs à l'occasion du deuxième anniversaire de ce gouvernement qui ne fait pas vraiment l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce matin à Bachar al-Assad. Non, je déconne, mais après tout, pourquoi pas, hein. Barack Obama l'a bien reçu alors qu'il n'avait rien foutu de spécial. Non, c'est Jean Manuel Santos, le président colombien, qui l'a reçu. Rappelons qu'il y a peu de temps, un accord de paix a été signé en Colombie entre le pouvoir et la rébellion des FARC, mettant ainsi fin à une guerre qui durait quand même depuis plus de 50 ans. Et ben voilà, c'est pour ça donc que le président Santos a été récompensé. Mais on peut parler d'une petite surprise quand même, vu que l'accord en question a été rejeté par la population et par référendum, donc ce douloureux dossier n'est pas encore tout à fait clôturé. Notez qu'il n'y avait jamais eu autant de prétendants en lice pour le Nobel de la paix, 376, ce qui peut quand même sembler bizarre alors qu'on parle surtout de guerre, de risque de guerre ou de terrorisme depuis un bon moment. En Syrie, par exemple, le mot paix semble être devenu synonyme de rêve irréalisable, vu qu'on voit vraiment pas, mais alors vraiment pas, ce qui pourrait mettre fin à des hostilités qui durent depuis 5 ans et demi, hein, une guerre qui pourrait mener à la destruction totale des quartiers rebelles d'Alep, la deuxième ville du pays, d'ici la fin de l'année, si l'armée syrienne, aidée par les Russes, poursuit son offensive meurtrière. Voilà ce que vient déclarer Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie. La partie est d'Alep risque d'être totalement détruite, donc

voilà ce que je vous cale pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. On va se faire un souvenir hein, juste avant la Sody Shows Mafia avec Pharrell. Tout ça, c'est ce qui arrive dans quelques minutes. Mais d'abord, on va appeler votre maintenant. Votre copine est jolie, mais elle sait pas cuire un œuf. Out. Vous en faites pas, on s'occupe de tout. L'Happy Hour t'invite au resto. Comment il n'y a pas de respect ici. Comment il t'a coupé la parole. Bim. Moi, je parle et tout, puis il y a un jingle qui me coupe la parole. Et bah bravo, c'est je voudrais pas être celui qui l'a lancé. Ouais. Bah non plus. Bon, on va faire sonner maintenant. On avait deux auditeurs là qui sont passés à l'antenne et qui voudraient bien aller manger la pasta ce soir à Charleroi. Ils vont aller à la bonne heure. Enfin, celui qui gagne, il va à la bonne heure. C'est à Charleroi. Et c'est à quelle heure du coup? Rue de l'Industrie. Oh. Ah, vers 20h30, j'ai réservé la table. Tu dis que tu viens de la part de Fab, tout va bien se passer. C'est le meilleur restaurant italien de Charleroi. Il y a des petits plats, mais ils sont top. Ouais, ça donne juste envie d'y aller. Ça a l'air trop bon. On va voir de qui décroche déjà. Manon ou Lorenzo en premier. Et c'est gagné. Allô? Oui. Mais j'ai comme l'impression que c'est une voix de fille. Ça veut dire que c'est Manon qui gagne. Moi qui gagne. Oh, mais bravo Manon. Oh bon ça. Bravo Manon. Oh j'ai mon cœur qui bat tout plein. Ah bah oh c'est mignon. Heureusement qu'il pleure. Bah ouais. C'est Manon. Manon tu vas y aller avec qui au restaurant ce soir? Tu vas aller avec qui? Avec mon homme à qui je fais des gros bisous s'il est en train de m'écouter. Ah c'est chouette ça. Comment il s'appelle? Kevin. Mange ton boudin. Non pardon. Bon du coup vous allez pas manger de boudin mais des bonnes pastas ce soir à la bonne heure à Charleroi. Et tu nous diras comment c'est. Tu sais quoi, même moi je viens de Charleroi, je le connais pas. C'est un tout nouveau donc. Enfin mais honte à toi chez moi. Non mais justement j'aimerais bien savoir. Donc et tu nous diras Manon comment c'était hein. Je compte sur toi d'accord. Je vous enverrai un message. Ouais ou tu viens sur la page Facebook de l'émission à Pierre avec Audrey, t'envoies un petit message et puis voilà hein. Mais en fait c'est normal que tu connais pas hein. C'est une fausse enseigne et en fait on va l'envoyer chez Robert Lafritz. Ouais c'est ça. Ah, c'est pas mal aussi hein, les frites. Bon et n'oublie pas Manon, tu nous fais une petite photo et tout hein, d'accord? C'est nickel, ça va. Je te fais des gros bisous ma Manon en tout cas. À félicitations. Tout grand, merci. Bisous. Merci, bisous, au revoir. La suite du son Dance Floor, c'est avec la Sweaty House Mafia que ça se passe maintenant. Comme ça fait des souvenirs ça, oh, non? C'est bon. Allez, ça. C'est bon. Et pour tous ceux qui voudraient profiter d'un petit restaurant, et bah dites-vous que c'est tous les vendredis comme ça dans la Pioir pour bien terminer la semaine et pour pas devoir cuisiner le soir. Et bah branchez-vous le vendredi sur Fun Radio. On se fait la Sweaty House Mafia et puis juste après, c'est Rihanna avec Drake qui débarque maintenant sur Fun Radio. Friends always feel the need to tell me things.

Donc il y a déjà une différence entre acheter une tenue et la porter et se dire cosplayer et faire son cosplay tout basse lui-même. Mais donc c'est quoi? C'est inventer un personnage? En fait, c'est soit qu'on reproduit un personnage qui est existant ou non existant. Ouais. Soit tout simplement on fait une réplique conforme. D'accord. Et donc ça c'est une réplique d'un personnage qui existe vraiment? Pas du tout. Ah non, donc là tu sais. Ici c'est un personnage vraiment moi-même. Et alors comment il s'appelle ton personnage? Alors mon personnage c'est Cressos. Comment? Cressos. Cressos. C'est ça. De mon temps on appelait ça des drag queens. Mais c'est énorme. Il y a l'idée. Mais quoi? Mais c'est une communauté? Vous êtes plusieurs à faire ça? Non, en fait oui, en fait dans le monde du cosplay en fait c'est vraiment comme une grande famille en fait. Mais c'est énorme quoi. Non mais j'imagine. Attends, parce que juste une question quand même. Tu sors comme ça dans la rue et tout? Oui. C'est énorme. Mais t'as pas la réaction des gens quand ils croisent comme ça, ça fait quoi? Bah, disons qu'il y en a deux. Ouais. Soit c'est vraiment la réaction genre moquerie, genre on devrait pas exister, c'est pas cool, mourir. C'est pas gentil. Ah oui. Soit on va vraiment jusqu'à avoir des gens qui vont venir nous poser des questions. Tiens, voilà, est-ce que c'est carnaval? Ou bien tout simplement qui vont venir s'informer vers nous. Bah ça c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt un peu sympa, comme nous quoi. Aujourd'hui on apprend des trucs avec toi, Jean. Mais par contre une question peut-être à la con, mais à la maison tu fais pas comme les chats quoi, tu. Non, je vous rassure. Non, ah d'accord. Non, on sait jamais. Hein, le gars il vit dans une litière, tu vois, il a des trucs. Je monte sur les meubles. Moi, j'ai pas eu le problème. Ouais, énorme. On va vous mettre une photo de Jean sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Alors globalement c'est comique puisqu'il y a plein d'auditeurs qui me disent qu'ils connaissaient pas le cosplayer. Est-ce que t'as une page Facebook on peut oui, peut-être voir sûr, et bien tout sûr, suivre bien ton sûr, actu Alors si jamais les internautes ou bien ceux qui écoutent Fun Radio en général veulent me voir ou veulent savoir ce que c'est le monde du cosplay, je vous donne deux informations, enfin donc deux noms. Il y a Sébastien Ergo qui est une des répliques de Jack Sparrow. Ouais. Ou franchement, je leur invite à aller voir sa page, elle est juste magnifique. D'accord. Et alors, les internautes peuvent venir aussi me voir, c'est sur la page Cressos. Ouais. Donc Cressos s'écrit C-R-E-S-O-S. Ouais. Et c'est là où tous les auditeurs peuvent voir tout ce mulching photo. Les photos, tout ça, c'est bref, ça, c'est voilà. Énorme. Tu restes avec nous, Jean. On va sur le son de Major Lazer avec Justin Bieber dans un instant. Si vous avez des questions à poser à Jean, n'hésitez pas, hein, 3044 pour vos petits messages. Et juste après, c'est le nouveau David Guetta. Dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Il y a une info qui vient de tomber ce matin, c'est un professeur de l'université d'Oxford. Elle s'appuie sur le fait que notre corps possède deux types de graisse, la graisse blanche et la graisse brune plus saine qui brûle les calories. Et alors il paraît que le froid permettrait de transformer la graisse blanche en graisse brune. Ouais. Et donc elle conseille pour perdre du poids de dormir la fenêtre ouverte. C'est-à-dire que quand il va faire moins 20, vous restez la fenêtre ouverte. Jack, tu vas mourir. Ouais, mais je suis maigre. Bruno dans la radio. Reviens lundi sur Fun Radio. Le plus impatient des réseaux présente... Attends encore. Sois pas si impatient, toi dis. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Le plus impatient des réseaux présente... Attends encore. Sois pas si impatient, toi dis. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye, des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Fun Radio. Fun Radio. Fun Plus. Dance Floor. Ils sont trois. Comme les To Be Free. En fait, non. Attends, c'est un mauvais exemple. Ils sont trois. Et ben, c'est tout. Vous pourrez les retrouver tous les soirs de 17h à 20h sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Découverte Fun Radio. C'est le tout nouveau David Guetta qui débarque maintenant sur Fun Radio. Juste après, il va y avoir les infos à la con, les infos qui ne servent à rien. Et puis on a du cadeau pour vous, Loverboard. Si vous voulez les choper, c'est pas compliqué. Vous envoyez un petit message maintenant, Fun, par SMS au 6322. Tirage au sort, juste après David Guetta sur Fun Radio. David Guetta sur Fun Radio, la suite du son, c'est avec Zwalipa que ça se passe. Il y aura aussi Quintino et puis Mom avec Aloha, celui-là je sais que vous le kiffez, il arrive dans moins de 5 minutes. Et si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio, on a un invité un peu, comment dire, particulier, un cosplayer. Alors un cosplayer, c'est quelqu'un qui s'invente un personnage comme ça, qui fabrique lui-même son costume. C'est un peu, t'es dans ton monde quoi Jean. C'est ça. Pour faire un résumé vite fait. Alors Jean, nous aussi on est un peu dans notre monde, dans l'émission, tu vas voir, on n'est pas tous normaux, surtout pas Fab, tu vois. Fab qui est à côté de toi. Alors le truc, c'est qu'on t'a préparé des petites questions insolites. En gros, d'accord, des questions à la con, con comme Fab. Voilà, attention. Il n'y a que moi que je me les pose. La première question de Fab, c'est parti. Je voudrais savoir, quand on se déguise en chat comme toi, justement, on en chope un peu plus de la chatte ? Il y a peut-être des chances, ça dépend de la personne. C'est vrai ? Je savais. Non, mais est-ce que t'as du succès avec les femmes avec ce déguisement ? Alors, du succès avec des femmes avec le déguisement ? Ou non. Avec des hommes, hein, n'importe avec qui tu veux. Hein, tu avec les deux, je veux dire non. D'accord. Mais du succès avec les femmes en général, oui. C'est vrai ? Oui. Oh. Ah ouais, non, mais sans le déguisement, c'est ça que tu veux dire ? Les deux. Ah ouais ? Ah, je sais pas, je suis en train d'imaginer si. Alors, oui, c'est vrai, tu peux faire des trucs sympas avec ces dreadlocks. Ça peut être bien drôle. On vous a mis une photo d'ailleurs de Jean sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Vous allez comprendre pourquoi on est subjugué par Jean, quoi. J'avais jamais vu ça avant. Sérieusement, j'apprends plein de trucs, c'est cool. Deuxième question. Dans le quartier, près de chez toi, quand tu rentres, t'as des problèmes avec les autres chats du quartier ou pas? Non, ça dépend. Ça va, ils te foutent la paix. Parfois ça grogne, mais parfois ça répond pas. Troisième question. C'est pas trop dur de rentrer en boîte quand on s'habille comme ça? Non. Non, tu rentres en boîte? Non, jamais de la vie. Disons ça, tu crois pas, ça dépend. Ça dépend des boîtes. Ouais, si c'est attends, comme le Boys Boudoir où il faut t'habiller en classique, je veux dire non, je peux pas rentrer. Mais ah, tout ce qui est en classique, ouais, qui est une boîte aussi au centre-ville, là oui. C'est vrai? Oui. Alors ça c'est dingue. Mais moi, alors Fab, mais voilà. Droit, moi. Mais ce que moi, tu dois faire. Je rentre dans aucune boîte. Je connais toutes les portes des boîtes de Bruxelles. L'intérieur, j'ai jamais vu. Si tu veux quelques conseils, tu demandes à Jean. Je vais demander à Voilà, monsieur, où ouais, tu lui chours son déguisement. Voilà. Et puis c'est bon, facile, Fab. On y va avec du feu. Hein, bah ouais, je suis bien. Et en plus, pour ça, une ouais, fois, t'auras des cheveux. C'est cool. C'est petit ce que tu fais. Les questions suivantes. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'on se fait pas contrôler plus par la police quand on s'habille comme toi dans la rue? Disons qu'il y a des grandes chances, ouais. Ah, bah, ah ouais. Parce que disons qu'on est un peu différent par rapport aux autres. Donc du non, les contrôles non, sont c'est un pas peu. Un peu. Complètement. Je vous rappelle vite fait, parce que vous avez pas l'image de l'autre côté de la radio. Mais quand même, Jean a des redlocks orange et noir. Il a des lunettes d'aviateur, des oreilles de chat. Il a des gants avec des griffes dessus. Comment vous dire? À un moment donné, je pense que les flics peuvent se dire: je pense que c'est suspect, monsieur. On va l'interpeller. Hein. On a encore une petite question. Oui, Fab, une question personnelle. Je me demandais, moi, t'es plutôt croquette ou pâté? Ah, en général, c'est plus pâté. Ok, d'accord. J'aime tout ce qui est mou, en fait. Oh, comme les femmes. Voilà. Ah non, généralement, on préfère quand c'est un peu dur. Tu vois, quand c'est mou, on peut pas en non, faire grand-chose. C'est les femmes qui préfèrent quand c'est ah, dur. Ah d'accord, j'avais pas compris. Oh là. Jean, en tout cas, un grand merci d'être venu dans l'émission. Vous-même. C'est cool parce que du coup, pour tous les auditeurs qui connaissaient pas le concept du cosplayer, eh ben on a appris des choses aujourd'hui. Tu voulais dire un petit truc justement aux auditeurs. Oui, un petit message aux auditeurs. Quand vous voyez des gens qui sont en cosplay ou en tenue genre gothique ou autre, ouais, n'ayez pas peur, allez vers eux et posez-leur un peu juste simplement la question. Bah ouais, faut s'y intéresser quoi. Voilà, ils sont tout gentils. Regardez Jean comment il est cool. On c'est leur top. Donner une petite pièce, c'est aussi sympa. Bon. Jean, un grand merci en un tout grand cas. Merci c'était à vraiment vous. Super. On va se faire le son de Dua Lipa maintenant, comme promis sur Fun Radio. Et juste après, je regarde le chrono, ça fait 3 minutes 15 exactement. C'est le temps qu'il vous reste pour vous inscrire, pour essayer de choper l'overboard. On a essayé d'appeler tout à l'heure, ça n'a pas décroché, du coup, à vous de jouer maintenant. 3 minutes maintenant, top chrono, pour envoyer Fun, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Tirage au sort, juste après, Dua Lipa maintenant sur Fun Radio. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'm giving you the pleasure of heaven. And I'll give it to you. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You

c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit sans jamais avoir de réponse, grâce au 10 mois pack c'est pas vrai, c'est fini. Dans un instant, on va se faire le 10 mois pack c'est pas vrai, mais d'abord, on va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Fun par SMS au 6322 et qui voudrait bien repartir avec son overboard. La planche à roulettes 2.0 qui avance toute seule. Pour les paresseux, c'est le truc top. Ouais, mais le problème, c'est que les paresseux, ils sont souvent gros. Et là, tu peux être gros, mais c'est pas quoi, trop gros. Moi, je suis pas très grosse et je suis paresseuse à mort. Un tout petit peu, mais c'est pas je suis pas grosse, je suis enrobée. C'est pas la grosse. Sérieux, vous trouvez que je suis grosse? Quoi? Vous trouvez que je suis grosse? Il y a matière à quoi, tu vois. Tu lui dis toi ou moi? On le dit ensemble. On dit oui, mais Mélissandre, tu es grosse. Disons, la vache, vous venez me briser le cœur. On prend ta cuisse, on l'envoie en Afrique, ils sont contents. Ils nous envoient, merci, Fun Radio. Ouais. On a mangé pour 2 ans. Ouais. Pipe sans restaurant. On adore le saucisson. Des enfoirés, quoi, je te jure. Je reviens pas, c'est pas cool. Mais t'es grosse harmonieuse, hein, t'es grosse. Ah, merci, c'est gentil. Hein, quoi non, attends, je vais dire ce que je dis à toutes les grosses. T'as un beau visage. C'est dégueulasse. J'ai même plus envie de parler avec vous. C'est pas grave. Heureusement, j'ai Christophe qui est là, qui vient de Saint-Gilles. Bonjour, mon cri-cri. À vous, Christophe, elle est grosse. Salut. Bon, Christophe. Bah ouais, on t'entend. Est-ce que toi, t'es plutôt du style cool ou alors est-ce que t'es vraiment pas sympa comme mes collègues Fab et Sandro? Oh, moi, je suis un peu des deux. Hein. Ah merde. Christophe, t'as joué pour essayer de repartir avec ton overboard. T'es fan du truc? Bah franchement, personnellement je suis pas trop fan, mais c'est plutôt pour les enfants quoi. Ah bah je voilà. Ils vont bien apprécier. Ah bah écoute, tu sais quoi Christophe, la bonne nouvelle, et bah c'est que c'est gagné. Ouais, ouais. Ah franchement, ça te fait plaisir? Bah ouais, parce qu'en général, je vous avoue que je joue jamais parce que je suis un gros poissard dans la vie de tous les jours, donc j'y croyais vraiment pas. Hein. Ah bah voilà, bah écoute, tu vois Christophe, comme quoi c'est possible de gagner des cadeaux sur Fun Radio. À tous ceux qui se disent à chaque fois, je ne participe pas parce que je ne gagnerai pas. Et bah oui, regardez, ouais. C'est possible de gagner. Christophe, félicitations, tu raccroches pas, on va reprendre tes coordonnées en antenne, d'accord? Ok, je vous remercie. Bisous, cri-cri. Merci, salut. Salut, il a une voix de DJ, tu vois. DJ des années 80. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure, il m'éclate. On va faire le son de Môme maintenant, c'est parti. Et quoi? Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. DJ number one. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs. 20h, c'est Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 3h du mat. Avec Afrojack, Liam Summer, Hardwell, Oliver Eldens et Henri PFR. Party Fun. Bienvenue dans le plus grand club de Belgique. 20h, 3h du mat. Sur Fun Radio. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour madame, je viens pour me faire couper les prix. Ah, vous avez de la chance. Chez Pearl Opticien, on coupe justement les prix en deux sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Et vous les coupez comment? En dégradé? On les coupe comme vous voulez, mais toujours en deux. Bien dégagé derrière le portefeuille, je suppose. Oui, tout à fait. Des prix coupés en deux. Magnifique. Pearl Opticien coupe les prix en deux. Profitez-en vite. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Cette semaine, chez Lidl, 41% de réduction sur les mangues fraîches, soit 99 cents pièce. Donnez-en à vos enfants maintenant, parce que plus tard, le seul fruit exotique qu'ils mangeront, c'est de l'ananas en boîte, sur leur croque Hawaii. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena à Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téletiquetservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. But it goes like, said I was a man.

trace. What's left to do but to fill it up? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. David avec Sigala qui arrive dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. J'espère que ça se passe bien. Merci d'écouter l'émission. Moi c'est Audrey. On reste ensemble avec toute l'équipe. Et puis là c'est le Dis-moi pas que c'est pas vrai maintenant. Go! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit sans jamais avoir de réponse. Grâce au Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Je me moque de toi. Allez, go, tous ensemble. Ouais. Ouais, vive les Power Rangers de l'espace. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Transformation, go. Oh, mais ça va, hein, j'ai pas dit un truc de vieux. Qu'est-ce que vous voulez la me saouler là? La dernière personne qui a dit go, c'était, je crois, Jeanne Masse. C'était en 80. Fais pas ton antello si et fais pas genre que tu connais l'histoire. Hein, ça va, tu vas pas nous saouler. Vous voyez ce que je dois supporter moi dans l'équipe, c'est plus possible quoi. Eh, vous vous êtes fait attaquer par SMS au 3044, les gars. Nous, ah, ça. Vous m'avez traité de grosse. Bah hein, oui. Et bah du coup, vous avez pris des méchants messages au 3044. Bien fait, bim. Non, mais en plus de ça, il y a un auditeur, il dit les écoute pas, ma petite Audrey. Ouais, bah, heureusement. En fait, les auditeurs, ils ne t'ont jamais vu, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, sur Facebook, on voit. On rappelle que c'est de la radio et non de la télé. Foutez-moi la paix. Les photos, souvenez. Ça ne m'avantage pas. Bon, dis-moi pas que c'est pas vrai. Arrêtez. De toute façon, on n'était pas là pour parler de mon poids. On était là pour parler de grosse, ça. C'est grosse, c'est grosse. Enfoiré. Bon, il y a une question qu'on s'est toujours posée. Ah oui. Ouais. Ah bon. Je vais vous dire. Est-ce que les chats retombent toujours sur leurs pattes? Oh. Ah, ah bah ouais. Effectivement, je me suis toujours posé la question. Eh bah donc voilà, tu vas voir la réponse. Est-ce que les chats retombent toujours sur leurs pattes? Oui ou non, à votre avis, dans l'équipe? Il y a une explication, hein. Attention, hein. Donc c'est pas de la connerie ici, hein. Mais alors, tu sais, depuis peu, j'ai deux petits chatons et en fait j'ai peur de ce qui tombe du balcon et du coup je me posais la même question. Et t'as vraiment une réponse là-dessus? Ouais, j'ai une réponse, t'inquiète Minou, je vais te rassurer. Respire. Bah à ton avis, pourquoi est-ce que les chats comme ça ils retombent toujours sur leurs pattes? Est-ce que c'est possible à chaque fois, oui ou non? Et si tu les jettes très fort par terre? Tu vois, en direction du sol. Ça fait pas le chat, quoi. Ça fait pas. Ça tombe sur leurs pattes, non? Ah non, je crois pas. Non, là, non, il aura pas le temps, le pauvre Minou. À ton avis, Fab? Eh ben, moi, hier soir, j'étais chez mon traiteur chinois, monsieur Wang, et je lui ai posé la question. Alors, d'après monsieur Wang, non, ça tombe comme une merde. Mais je suis pas persuadé que monsieur Wang ait déjà vu des chats vivants. Tu crois que ça bouffe vraiment des chats, les Asiatiques? Je crois pas, je suis sûr. Les chats, si, si, j'ai mangé, moi. Non! Ah bah, si, j'ai mangé du chat. Oh non! J'aime pas les chats, alors j'ai mangé un chat. Pourquoi t'aimes pas les chats? Parce que c'est horrible comme animal. Non, je suis pas fan non plus, parce que moi j'ai peur, mais de dire. Les chats, c'est le seul animal pour t'attaquer, il te fait. Comme dans Alien. J'aime pas ça, moi. Le seul truc qui me fait flipper chez les chats, c'est que tu peux être en train de le caresser, il en kiffe, et puis la seconde d'après, il te fout un coup de patte avec ses griffes, tu sais pas pourquoi, tu vois. Saleté, va. Mais ça va dans le noir. Pourquoi ça va dans le noir? On ne voit pas dans le noir. Pour mieux personne ne voit dans le noir. Et bah, tu vois, j'aime pas cet animal. Alison, à ton avis, est-ce que c'est possible à chaque fois? Est-ce que le chat retombe toujours sur sa patte? Moi je pense, tu vois, que c'est comme avec les tartines au beurre. Tu vois, quand tu fais une tartine au beurre, que tu la fais tomber, ça tombe toujours de l'autre côté. Donc le truc, c'est de mettre du beurre sur les deux côtés. Du chat? Ouais, je pense. Mais alors il tombe sur lui-même? Ouais, comme avec les tartines au beurre. On se pose des vraies questions dans cette émission. Alors, le petit nouveau, je suis sûre il va relever le niveau un peu. En plus, il a une tête d'intello comme ça avec ses lunettes et tout. François, ton avis, est-ce que les chats retombent toujours sur leurs pattes? Alors moi, je crois que ouais, ils retombent toujours sur leurs pattes, sauf si tu lui les coupes en fait. Là, je suis sûr qu'il retombe. Alors, j'avais placé, mais vraiment sans mentir, tous mes espoirs dans ta réponse. Je me suis dit, lui, il va remonter le niveau, c'est le gars intelligent de l'équipe. Et en fait, non, je me suis trompée. Et c'est le petit-fils de Jamie et Fred, hein, pourtant. Oh, c'est vrai que tu lui ressembles un peu à fond. On va tout de suite appeler le camion de C'est pas sorcier. Ils t'ont oublié ici. Oh, pauvre Minou. Bah alors, François, qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'étais avec eux, puis ils ont fait un test de QI, je suis parti. Mais qu'il est drôle, dit. Il y a du niveau ici. Ça fait plaisir vraiment, merci François. Le petit nouveau de l'équipe, au secours, que quelqu'un vienne le chercher. Non, en fait, vous savez comment il faut faire pour que les chats ils retombent toujours sur leurs pattes? Non. Quand vous allez avoir l'explication, vous allez avoir envie de me buter. En fait, les chats, il faut les jeter de très haut. Ouais. Voilà. Mais genre de très haut, très haut. Bah, c'est-à-dire que si tu jettes ton chat par exemple de ton canapé, ouais, bah, il va pas retomber sur ses pattes parce que c'est pas assez haut, tu vois. En fait, le truc c'est que le chat il roule sur lui-même, tu vois, il tourne. D'accord. Il fait des vrilles comme ça et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il arrive à se placer pour qu'il retombe sur ses pattes. Mais pour faire des vrilles, il faut le balancer de assez haut, sinon plus bas ça marche pas. Et on peut essayer avec toi par la fenêtre pour... Non, moi je retombe pas du tout sur mes pattes. Non, mais sérieusement, on va essayer avec tes chats, Sandro. Tu les amènes lundi? Lundi, parfait. Voilà, c'est toi ou quoi? Allez, vas-y. Bah quoi, il faut qu'on teste. Moi, je veux tester les trucs. Hein. On me dit qu'il y a des explications. Voilà, moi, je teste. Les deux petits chatons, on va les balancer par la fenêtre. Voilà. Et on a un message de la SPA là. Je crois pas. Connasse, il a écrit. On va pas leur faire de mal. Voici Craig David et Sigala. Sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up. Ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Découverte Fun Radio. Dans un instant, on va se faire un petit blind test là sur Fun Radio. Si vous voulez venir jouer avec nous, allez-y, vous envoyez musique par SMS au 3044. Oh, I don't know why you're not there. I'll give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Love, baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? hurt me, baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, baby, don't hurt me no more. What is love? Fun Radio. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Dans un instant, on va se faire un petit blind test là. Mais vous allez voir, c'est un blind test spécial. Il y aura de l'hélium, j'en dis pas plus. Si vous voulez venir jouer avec nous, il y aura du cadeau Fun Radio à la clé. Vous envoyez maintenant musique par SMS au 3044. On se fait ça juste après l'actu avec Carlo Morello. Salut Audrey, salut à tous. Moins de monde que prévu ce matin sur la place Bosch à Wavre. Les syndicats n'ont pu mobiliser que 2500 à 3000 personnes dans le fief du Premier ministre Charles Michel pour dire tout le mal qu'il pensait du gouvernement fédéral, d'où les grèves sectorielles organisées ce vendredi avant une possible grève générale. Ça sera un petit peu dépendre du prochain budget et des petites surprises désagréables que la majorité nous mitonne. Près de 3000 personnes à Wavre donc, et pas mal de gens aussi devant le siège central d'ING à Bruxelles. Là, la surprise est agréable, les syndicats et les travailleurs de la banque qui ont eu droit ce lundi, ils rejettent en bloc le plan de restructuration d'ING. Il prévoit quelques 3150 suppressions d'emplois, vu qu'à partir du moment où la banque gagne de l'argent, le bain de sang social n'a aucune raison d'être. Pour en revenir aux grèves sectorielles de ce jour, elles expliquent pourquoi plus de 500 personnes se sont réunies ce matin devant le siège de Caterpillar à Gosselies, le siège du bain de sang social de septembre, ING c'est octobre, et pour novembre, ça on verra bien. Plus de 500 personnes rassemblées donc, des travailleurs de la boîte forcément, mais aussi des entreprises sous-traitantes et des délégués syndicaux venus d'un petit peu partout, et notamment le patron de la FGTB Charleroi, qui a dénoncé, je cite, « les cadeaux fiscaux faits aux entreprises et les mesures de chasse aux chômeurs ». Tous espéraient pouvoir rencontrer un représentant d'Agoria, la fédération de l'industrie technologique, mais trouvant porte close devant le bâtiment d'Agoria, les manifestants l'ont ouverte eux-mêmes, y commettant quelques petites déprédations, comme on dit, avant de s'en aller. Les mauvais jours approchent, il sera donc bientôt question de rhume et de grippe, mais à l'heure où je vous parle, les virus qui sévissent sont purement informatiques. On a beaucoup parlé de celui qui infecte les ordi via Facebook, et bien voilà que Spotify pose un gros problème aussi, et plus difficilement évitable, vu qu'il ne faut rien faire de spécial pour être infecté. C'est en effet via les pubs de la version gratuite du site de streaming musical que se propage le malware. La conséquence, c'est que des pages web non désirées vont apparaître sur votre écran. On vous conseille donc de désinstaller provisoirement votre compte ou de passer à la version payante. Football, première rencontre officielle ce soir pour les Diables Rouges à domicile sous la houlette du nouveau sélectionneur Roberto Martinez, et première rencontre à domicile dans le cadre des qualifs pour la prochaine Coupe du Monde, la Belgique accueillant la Bosnie-Herzégovine. Alors j'ai lu quelque part que cette rencontre était cruciale, faudrait peut-être que le journaliste qui a employé ce mot aille vérifier dans un dico sa signification exacte. On peut difficilement parler de rencontre cruciale en tout début de campagne. Match important, ça oui, si on part du principe que la Bosnie est notre adversaire le plus dangereux de ce groupe. D'ailleurs qu'une victoire serait donc une très bonne chose. Je vous rappelle que les Diables ont facilement remporté leur premier match 0-3 à Chypre, comme ils remporteront sans doute facilement celui contre Gibraltar dans quelques jours. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Avant de se faire le son d'Alex Jermy sur Fun Radio, on file du côté de la météo. C'est quoi le programme pour ce week-end, Carlo? Entre 11 et 15 degrés ce week-end, avec un ciel très nuageux, comme aujourd'hui, comme hier. Et en principe, un temps qui devrait rester sec, avec peut-être l'une ou l'autre petite goutte de pluie, ça ou là. À tous un excellent week-end. On se retrouve lundi et midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Alex Jermy. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. All the dreams I feel so far. Hey, I know I En direct, 19h08 exactement. Ça prouve qu'on est bien en direct. Parce que, hey, y a certaines radios qui vous disent ouais, on est en direct, machin, c'est du mytho. Mais ils disent pas l'heure, alors mais ils peuvent pas être en direct. Bah, c'est une preuve, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en direct 18h31. Il fait beau ou pas 32, François, regarde par la fenêtre, parce que maintenant qu'on est enfermé et qu'on a des vitres il opaques. Fait noir. Il fait noir. Ouvre la fenêtre. Ah, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est vrai que c'est pas con. Voilà, il fait noir, ça, c'est une info de plus qui prouve qu'on est en direct. Enfin, ouais, à 19h, il va pas faire clair, hein. Juste comme ça. C'est vraiment nul, laisse tomber, passe au potin. Vous saurez tout sur le zi. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Je pensais que j'allais apprendre des trucs sur l'anatomie, moi en fait. Ah, mais ça, je peux t'apprendre, ma chérie, si tu veux ce soir en train. Oh. Je peux te montrer. Tu t'emballes, toi. Mais quoi? Mais tu t'emballes, mais toi. Mais non, mais t'aimes bien la saucisse douane, tu m'as dit. Bon, enfin, laisse tomber. Bon, Fab, tu m'as dit que t'avais de l'info qui concernait Britney Spears. Eh ben, oui. Attends, attends, juste quoi? Avant, on peut pas se faire un kiff et écouter un petit Brit. Bah, écoute, j'ai fait des grandes recherches dans le logiciel et malheureusement. Allez, jamais de la vie, tu vas pas me dire qu'on a pas du Britney Spears, cherche. Ouais, si, on a encore, malheureusement. Oh. Ouais, bouge ton corps. Toi qui es dans ta voiture. Ah, oh, merde. Non, non, non, non, vas-y, encore un autre. Cochonne. Elle a quand même une voix de téléphone rose. Mais écoute ça, ça classe. Piste de toi, tu vois. Ou alors, c'est quoi l'info sur Britney Spears? Calme-toi, Fab. Alors, écoute, pour le moment, elle est à Londres. Donc, elle est partie donner une petite série de concerts à Londres. Elle a dit qu'elle adorait Londres, surtout la Tour Eiffel. Enfin, en même temps, c'est Britney Spears, hein, donc c'est pas très bien où elle est. Elle est sur les chaînes de télé. Alors, on lui a quand même fait éviter les coiffeurs. À Londres, ils se sont dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Et elle s'est retrouvée dans le Jonathan Ross Show. Oh, yeah. Là, c'est un talk show londonien, hyper connu là-bas. Et on lui a proposé un petit jeu. Alors, si elle devait perdre, elle devait chanter sous hélium. Ah oh non, c'est drôle ça. Si, bah, ça la change de changer sous cocaïne. Hein, Ce petit, tu n'attaques pas Britney Spears. Mais Britney Spears est comme toutes les stars américaines, elle prend de la cocaïne. Britney Spears, c'est toute mon enfance, tu vois ce que je veux dire. J'avais son poster dans mes chambres. À ton âge, quand t'avais 12-13 ans, elle en prenait déjà. Elle. Écoutez-moi ça, ça cartonne. Et du coup, est-ce qu'on a le son où elle chante? Oui, on l'a. Allez, vas-y, fais écouter Sandro. Shake it up. Moi je trouve que ça fait toujours marrer. Elle a repris une chanson de Taylor Swift parce qu'il fallait un truc avec pas trop de paroles. Sinon c'est compliqué. Arrête, qu'est-ce que t'as contre Britney Spears? On va faire un truc les copains, on va se faire un petit blind test. Attends. Et bienvenue sur Fun Radio, on va se faire un petit blind test dans un instant. Si vous voulez venir jouer avec nous, c'est pas compliqué les copains, il faut juste envoyer un petit message. Vous envoyez musique par SMS au 3044. C'est génial. Ah bah ouais, ça marche, on va faire comme ça alors. Alors, vous venez jouer avec nous, vous allez essayer de retrouver les sons et si vous y arrivez, il y aura du cadeau Fun Radio à la clé. C'est cool, non? C'est super. J'adore ta voix. Fun Radio, les sons d'Anne Flore, on va se faire ça dans un instant, allez-y. On dit le soprano. C'est musique en feu qui arrive maintenant. Soprano. Et puis juste après, il y aura du Kaigo aussi. Oh, on vous attend. Oh, il y a l'effet qui part. Ah, merde alors. Allez-y, musique par SMS au 3044. On se fait le blind test juste après Soprano sur Fun Radio. Soprano. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande écart de bandage. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi ce soir je suis en feu. Radio. Le son. Dance floor. Dance floor. God, I could leave you, cause I feel my heart numbing. It hits so deep, I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay. Floor, c'est avec Kygo que ça se passe. Il y aura quoi d'autre aussi? Non, c'est Ken Jones, mais il y aura Galantis. Ça, par contre, c'est nouveau. C'est ce qui arrive dans un instant. Et j'adore, vous entendez ma voix de merde? Un tout petit peu, ouais. Parce qu'on était en train de s'amuser en studio avec de l'hélium, mais du coup, j'ai mal calculé mon temps. C'est que ça s'entend quand même assez fort, du coup. Bah ouais, hein, ça c'est clair, à un moment donné. C'est con, mais ça fait délirer ce truc, quoi. Ça sert vraiment à rien, mais c'est tellement drôle. Vraiment rien. On a réussi à choper de l'hélium. Et en fait, on a fait ça parce que Britney Spears, elle s'est amusée à chanter avec de l'hélium dans une émission très connue aux États-Unis. Alors on s'est dit, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on peut faire ça. Et on va se faire un petit blind test spécial hélium maintenant. Et on a Grégory qui est là, qui vient de Strain. Bonjour Grégory, comment ça va bien? Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. Salut Grégory, qu'est-ce que tu fais de beau? Là, on est en train de faire des crêpes. Des crêpes? Oh, on arrive. Oh la vache. Ah non, serein, c'est bon. Oh, ce serait trop. Mais moi, je suis prête à faire la route pour des crêpes. Pas hein, pour de la bouffe, toi, bah, tu m'étonnes. Ça, c'est clair. Bon, Grégory, je te préviens, tu vas pas avoir la tâche facile. Tu vas devoir essayer de deviner les chansons que j'essaye de te chanter. D'accord? Avec de l'hélium. Si t'arrives à mettre un max de points, c'est toi qui repars avec du cadeau Fun Radio, d'accord? Ok. Attention, Grégory, je prends un petit peu d'hélium. Première chanson. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu alors d'enfer de Connemara. Les lacs de Connemara. Ouais. Grégory, premier point pour toi. Attention, je resniffe un peu d'hélium. Non, c'est pas dans le nez, Audrey, c'est dans la bouche. Attention, comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il veut me parler de ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé. Ouais. 2 points pour Grégory. Grégory, c'est bon ça, tu vas voir, on va gagner parce que après on va faire la revanche avec Fab et son son équipier. Moi, je suis pas dans la merde. Ça fait déjà 2 points du coup pour mon Grégory. Attention, troisième chanson. Aussitôt que alerte, je la connais pas celle-là. Attends, aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. C'est quoi ça? Tu hantes mes pensées, j'en sortirai pas inerte car tu as ton copain et tu tiens à lui. C'est net, mais girl, écoute ça, te dire que je veux pas te détourner serait malhonnête. Je la connais pas en fait celle-là. Je sais pas du tout ce que c'est moi. Oula. Attends, je vais reprendre un peu d'hélium. Alors, attends, comment ça va? Celle-là, je la connais vraiment pas. Hein. Aussitôt que le jour. Parce que j'ai les paroles, mais j'ai pas. Comment dire? Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Ça, c'est une publicité pour du beurre. L'ami Ricor et. Ça dit quelque chose. Tu mes pensées, j'en sortirai pas. Inerte, car t'es ton copain et tu tiens à lui. C'est net, mais girl, écoute ça. Te dire que je veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions, telle une marionnette. Pourquoi? Ouais, c'est la tente ainsi. Why? Alors, à ton avis, c'est quoi? Aucune idée. Alors, on me dit que c'est Colonel Riel, celui. C'est quoi ça? Qui est-ce, monsieur? Ça va comment, en fait, la vraie version? T'as le truc, Sandro, ou pas? J'en cherche après. Attends, il y a le stagiaire François, il connaît la chanson. Lui, François, viens 2 minutes ici. C'est ça ou pas? Tu l'as? Je l'ai. Ah, parfait. Colonel Riel, celui, c'est ça? C'est très vieux. Ah oui! Ah bah oui! Ah bah oui, d'accord! Bah ouais, mais c'est pas facile celle-là. Celui, ce. Bah oui, alors si on me l'avait dit avant, j'aurais pu. Il y a Tommy qui me dit laisse tomber, Audrey, ça va pas, mort de rire, on dirait que t'es shooté. Il me dit ça sur le live. On est sur la page Facebook Happy Hour avec Audrey en direct. Donc si vous voulez venir voir nos têtes de tronche, de cul, allez-y. Venez sur la page. Attention, Grégory, ça te fait donc 2 points. 2 points pour toi. Si t'arrives à retrouver la chanson que je vais chanter dans un instant. Allez, Grégory. Ouais. Allez, Grégory. Ça nous fera 3 points. Grégory. Ce qui veut dire qu'on va fracasser Fab d'une de ses c'est forces. Pas dit, moi, je peux te battre. À tout moment, je peux te battre. Mais arrête ton char. Attention, Grégory. Concentre-toi bien. Alors. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Non, c'était Maître Gims. Tu n'oses pas lui dire. Même moi, c'est je connais. Et tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Alors, tes amis, c'est qui? Grégory, déconne pas. Oui. On y est presque. On dirait les Looney Tunes. Grégory, à ton avis, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est Maître Gims. Non, c'est le groupe. C'est un groupe. Grégory. Fais pas ça, Grégory. Mais tout bêtris, Grégory. Oh, mais non, allez, le Grégory. Temps est passé, c'était la section d'assaut. Ah, y'a, t'as fait que 2 en fait. Et c'est laquelle, la section d'assaut? Mais c'est avant qu'elle parte. Oh là là. Allez, j'ai tout donné, moi, sur ce coup-là. J'ai la tête qui tourne tellement j'ai soufflé de l'hélium. Bah ouais, 2 points. C'est facile. Grégory, c'est pas grave, on lâche rien. Moi, je connais Fab, il est nul quand il concerne du son dance floor, donc ça va être bien drôle. On a la chanson de section d'assaut, s'il vous plaît? Bah voilà, c'était ça. Ta meilleure amie, t'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'il ne reste la vie. Mais tu n'oses pas. Bon, Grégory, on t'applaudit, ça fait donc 2 points. Ouais, bravo, Grégory, bravo. Bon, on note le point de Grégory. Grégory, tu restes à l'écoute parce que on va faire la revanche dans un instant avec Fab qui va jouer aussi avec un auditeur. D'ailleurs, si vous voulez venir nous rejoindre, allez-y, vous envoyez maintenant musique par SMS au 3044. On se fait ça, la battle, la revanche. Attention, juste après le son de Kane Jones sur Fun Radio. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h, le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Chérie? Oui? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi? Tu trouves que c'est trop? Non. Mais... Mais enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Du lundi au vendredi à 18h10, c'est Plug Music Battle. Hello à tous, c'est reparti pour de nouvelles battles sur Plug. Choisissez le clip que vous souhaitez voir parmi des battles de chanteurs et groupes 100% belges. Je vous proposerai donc 6 battles 100% belges et ce sera à vous de voter. Plug Music Battle, c'est nouveau et c'est du lundi au vendredi à 18h10 sur Plug RTL. Plug RTL. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Achetez un PC portable et vous pourriez avoir la chance de faire partie des 300 gagnants à être intégralement remboursé. C'est totalement dément. Conditions dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Cela ne fait-il pas trop longtemps que tu n'as plus vu Machin? Qui ça? Bah, Machin, ton pote de primaire. Oh, Machin? Oui, lui. Faudrait que t'ailles le voir. Ouais, ok. Allez, saute dans ta voiture et vas-y. Allez, c'est parti. Plus rien ne t'arrête. Non, plus rien. Roule. Mais il habite où encore, Machin? Ah, ça, moi, j'en sais rien. Touring, plus rien ne vous arrête, car nous vous offrons 2 mois gratuits sur votre assistance dépannage annuelle. Infos et conditions sur touring.be. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Ah, ah, ah, ah. Sur Fun Radio. Avec Audrey et son équipe, du lundi au vendredi, 17h-20h, la seule émission qui est presque aussi drôle qu'une blague carambar. Keep telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my daughter.

nouveau Galantis sur Fun Radio. On enchaîne avec Zao et MHD. Laisse les Kouma qui arrivent sur Fun. Il y aura aussi du Fédard dans un instant. Laisse les Kouma. Mais d'abord, on va devoir se venger. Vas-y. Tu vas pleurer, moi je te dis, tu vas pleurer tellement je vais te ridiculiser. Ah, parce qu'en plus tu me menaces. Mais bien sûr, je te menace. Il ne te reste plus que ça. Tu es un peu le Zimdin Zidane de Fun Radio. Je te menace pas, moi je te préviens. C'est que quand t'es sur le point de perdre un match, tu fous un coup de boule, hein. T'as trouvé que ça, hein. Ben voilà. Non, c'est, du c'est parce que je suis extrêmement talentueux. Alors que t'es italien, tu devrais, tu vois, prouver que les Italiens sont. On a la victoire modeste. Je me fous ta gueule après avoir gagné. Vous êtes surtout de très bons simulateurs. Bon, et on a qui est là qui va jouer au blind test? C'est Coralie qui vient de Chièvre. Bonjour Coco. Bonjour. Ça va bien Coralie? Oh non. Oui, ça va bien. Bon, excuse-nous, mais Coralie, Chièvre, c'est où ça? Dans l'écurie. À côté du parc célèbre où il y a les animaux. Le monde des Why? Non. L'abattoir de Saint-Gilles. À Paradisa. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, tu fais partie du parc et tu voulais qu'on le cite pour que ça fasse de la pub, c'est ça? Bon, ma Coralie, tu vas jouer au blind test spécial Helium parce qu'on a entendu que Britney Spears, elle s'est fait un petit kiff dans une émission américaine où elle a chanté la chanson de Taylor Swift avec de l'hélium. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit blind test maintenant. Alors, Coralie, si tu arrives à retrouver un maximum de sons, eh ben, tu remportes du cadeau Fun Radio. D'ailleurs, tous ceux qui sont branchés sur le live, là, sur la page Happy Hour avec Audrey, vous pouvez jouer aussi, hein, vous m'envoyez les réponses directement sur Facebook. Attention, Coralie, est-ce que tu es prête? Oui. Le premier son, c'est parti. Fab qui sniffe de l'hélium. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, Miguel Anglambo. Ça veut dire ça veut vendre des tonnes. Oui, bravo. Premier point pour Coralie. Attention. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de casser la voix. Casser la voix. Et ouais, deuxième point pour Coralie. Allez. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours pas trouvé. Elle me dit qu'il n'est jamais très loin. Qu'il t'essaie. T'es pa parlez. Ouais. Ouais. Stromae. T'étais où t'es papa où t'es. Bon là j'ai déjà gagné en théorie. Ça fait 3 contre 2. Mais bon, je vais faire le dernier pour le sport. Parce que je suis un sportif moi madame. Ouh là là, j'ai la tête qui tourne. J'ai pris trop d'aigle. Je continue. Attention, le tout dernier son. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare. Et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges. Babé, oui. Bim. Mais ça fait un sans faute pour Coralie. Bravo. Et attends, parce que on va appeler les urgences. Il y a pas qu'à la tête qui tourne. J'ai mes pieds qui tu sais, qui dorment comme si ils volent. Mec, je me sens pas bien vraiment. J'ai l'impression que je. Hey, Coralie, tu devrais voir la tête de Fab. Je te jure, il est tout blanc. Hey, je te jure, ça tourne. Putain, ça il va tourne. T'évanouir. Eh mais j'ai l'impression, je te jure, ça fait de l'ascenseur dans moi comme ça. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un dans lui. Oh non, je veux pas savoir ça. Coralie, félicitations ma chérie, tu raccroches pas, on va reprendre tes coordonnées en antenne et te filer du cadeau, d'accord? Ça va, ouais, merci beaucoup. Gros bisous Coralie, t'as été bonne, bravo. Ça va, ouais, Fab? Encore une fois, merci. Ça va, Fab? Bizarre. Non mais t'es tout blanc. Oui, ça fait bizarre ce truc-là. Tu es là, tu vois combien? Quoi? Mais mes doigts, tu les vois pas. Bon, on va voir si Fab reste avec nous, s'il reste en vie. On va se faire le son de Feder dans un instant. Il y aura l'horoscope, encore plein de cadeaux à choper. Mais avant ça, comme promis, je vous ai calé le son de Zao. C'est avec MHD maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Mais c'est le climat. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Tu me parles de ma vie tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse les croire, laisse les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillais. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde tu n'as pas idée. Continue sur Fun Radio. Oh, ça, c'est mon kiff du moment. Le nouveau Feder, Lord Lai qui arrive sur Fun Radio. C'est tout bon, ça, juste après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Bon, normalement, techniquement, à sortie 19h43, ça y est, vous êtes en week-end. En tout cas, je l'espère. Si vous êtes en train de bosser, bah, bon courage à vous, les copains. Restez bien branchés sur Fun Radio. Ça va vous motiver, mais pour tous les autres qui sont déjà en week-end, bande de petits vénards, on va vous dire comment ça va se passer pour vous. Attention, les béliers. Regardez par la fenêtre, vous voyez le temps? Eh bien, pourri, comme votre week-end. Les taureaux. Votre week-end aurait pu être magnifique, mais c'est sans compter sur cette rage de dents qui va commencer demain matin pendant que votre dentiste, bah, lui, il sera en week-end. Mais c'est toujours comme ça en plus. Hein. Quand t'as une rage de dents qui arrive, après, toujours le dentiste, il est en congé. C'était pas français, on s'en fout. Oui, j'ai moi. Votre week-end sera pourri à cause d'une petite chose toute simple. Ça rampe, ça crie, ça pue. On appelle ça un enfant. Non, oh, les cancers. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ce week-end. Vous allez être papa. La bonne nouvelle, c'est que si vous traînez pas, il y a un vol pour le Mexique dans 3 quarts d'heure. Lyon. Si vous êtes célibataire, vous risquez de faire des rencontres ce week-end de chouettes filles avec des prénoms exotiques. Chlamydia, syphilis, oh, et la toute mignonne petite vérole. C'est quoi une vérole? C'est, tu veux pas savoir. Hmm, ça, ça pique, ça gratte et ça sent mauvais. Oh. Classe. Bon appétit, hein. Les vierges. La seule personne qui va passer un plus mauvais week-end que le vôtre, c'est la nouvelle petite amie de Bernard Westman. Mais ouais, à fond, quoi. Westman. Mais ouais, balance. Non, quoi, si vous êtes dentiste et que vous voulez passer un bon week-end, débranchez votre téléphone, j'ai l'impression qu'un boulet va vous téléphoner. Les scorpions. À votre place, je commencerai pas ces cours de rock acrobatique ou alors réservez déjà votre chambre d'hôpital. Sagittaire. Les chances pour que vous passiez un bon week-end. J'ai avalé ma langue. Hey, ça c'est ce qui s'appelle un crash intersidéral, quoi. Ah ouais, c'est l'hélium. Non, mais c'est l'hélium et moi j'ai encore la tête qui tourne, j'en peux plus. Les lettres elles bougent. Tu crois que tu peux réussir à faire la phrase sans bugger ou pas? Écoute, je vais essayer. Attends, dis-toi que c'est un peu comme l'épreuve de ta life, tu vois, le truc important que tu dois réussir aujourd'hui. Tu peux demander juste aux lettres d'arrêter de bouger sur ma feuille. Mais je vais le faire pour toi. Attends, attention. Vas-y, est-ce que Fab, oui ou non, va réussir à faire une phrase sans bugger? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la POR. Attention. Oh, quel moment du suspense intenable. Dis Sagittaire. Les Sagittaires. Les chances pour que vous passiez un bon week-end sont aussi élevées que les chances de la Grèce de plus avoir de dettes. Wow. Ouais, je l'ai fait. Phrase sans bugger et ça c'est beau. Attention, non. Les Capricornes. Votre week-end va être top, vous allez découvrir les joies du club échangiste. Seule question, contre quoi votre copain va pouvoir vous échanger? Les Verseaux. Saturne et Jupiter s'alignent pour que les astres... Non, je déconne, Saturne et Jupiter s'en foutent de vous. Personne va s'aligner, votre week-end va être merdique. Et on termine avec les Poissons. Ce week-end, vous allez découvrir que votre estomac digère pas très bien la cuisine indienne. Vous allez aussi découvrir que vous avez pas assez de papier toilette chez vous. Mmh, oh. Classe, ça fait vraiment plaisir. T'es un peu comme la petite touche glamour de cette émission. Je femme, merci, tu vois. Sans toi, sincèrement, ça n'aurait pas le même goût. Hein, non. On te l'a déjà dit souvent, ça. Ouais, c'est... Hein. On parle souvent du goût. Allez, dans un instant, c'est Party Fun qui débarque sur Fun Radio avec tous les plus grands DJ. Et justement, lui, il est juste au top. Feder maintenant sur Fun Radio. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. Nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. Uh-huh. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, we will be the ones that hold the highest truth. Sure. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. Uh-huh. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. Uh-huh. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold. Avec quoi, c'est vendredi soir sur Fun Radio, on fait ce qu'on ouais, veut, non bouge. Le nouveau Feder sur Fun et on enchaîne avec Black M. Je suis chez moi, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi le nouveau Sound of Legends, rien que pour vous. Et à partir de 20h, c'est Party Fun. Oh yes. On est crevés déjà, là, on vient de danser dans les studios. Bah, tu rigoles, ça fait commencer, il est 19h49. Exactement, c'est le week-end qui commence. Et en plus, ce week-end, Audrey sur Fun Radio, c'est un week-end spécial Martin Garrix. Oh là. Martin à la plage. Martin à la plage. On a des relations. Ben oui, madame, on a bien négocié pour vous, puisque vous allez pouvoir le voir à l'ADE. C'est l'Amsterdam Dance Event. Ce sera le 21 octobre. Ouais. Et on offre évidemment la totale. Oh, on offre la totale. Ce sera tout ce week-end. Dès que vous repérez un titre de Martin Garrix, il faudra envoyer concert au 6322 pour 1€ par message. Ouais. Et puis il y aura le transport. Et on a quoi en échange? Ah. L'hôtel. Ouais. Et des passes VIP pour aller applaudir Martin Garrix à son live. Non mais le plus important, le petit déj, il est compris dedans ou pas? Mais bien sûr. Ah, voilà. Génial. C'est pour Audrey le petit déj. Bah oui, voilà. J'offre. Si vous êtes fan de Martin Garrix, restez bien à l'écoute de Fun Radio tout le week-end. Et donc du coup, évidemment, qui mixe dans Party Fun ce week-end à ton avis? Martin Garrix. Elle est pas si blonde que ça. Génial. Bon, par contre, ce sera demain à partir de 23h. Oui. Mais ce soir, les meilleurs, ils sont là aussi avec Hardwell, Oliver Eldens, Henri PFR et puis bref, la plus grosse stuff de Belgique, c'est sur Fun Radio que ça se passe dans Party ouais. Fun à partir de 20h. Restez bien connectés sur Fun Radio et nous, on vous donne rencard à partir de lundi 17h avec des places pour aller voir Mickey chez Disney et des places pour aller à un concept un petit peu bizarre qu'on vient de lancer. Restez bien branchés sur Fun, vous allez voir, ça va être l'éclate. À lundi, partez vous éclater au concert de Martin Garrix en VIP à l'Amsterdam Dance Event grâce à Fun Radio. Ouais.